Rhapsodie 7. Ayant ainsi parlé, l'illustre Hector sortit des portes, et son frère Alexandros l'accompagnait, et tous deux dans leur cœur étaient pleins du désir de combattre. Comme un dieu envoie un vent propice aux matelots suppliants qui se sont épuisés à battre la mer de leurs avirons polis, de sorte que leurs membres sont rompus de fatigue, de même les Priamides apparurent aux Troyens qui les désiraient. Et aussitôt Alexandros tua le fils du roi Areithios, Ménestios, qui habitait dans Arnée, et que Areithios, qui combattait avec une massue, engendra de Philomédoussa aux yeux de bœuf. Et Hector tua de sa pique aiguë Eioneos, et l'airain le frappa au cou sous le casque et brisa ses forces. Et Glaucos, fils de Hippolochos, chef des Lycains, blessa de sa pique entre les épaules, au milieu de la mêlée, Iphinoos d'Exiade, qui sautait sur ses chevaux rapides. Il tomba sur la terre, et ses forces furent brisées. Et la divine Athénée, aux yeux clairs, ayant vu les Argiens qui périssaient dans la rude bataille, descendit à la hâte du faîte de l'Olympos, devant la sainte Ilios, et Apollon accourut vers elle, voulant donner la victoire aux Troyens, et l'ayant vue de la hauteur de Pergamos. Ils se rencontrèrent auprès du hêtre, et le roi Apollon, fils de Zeus, parla le premier. « Pourquoi, pleine d'ardeur, viens-tu de nouveau de l'Olympos, fille du grand Zeus? Est-ce pour assurer aux Danaïens la victoire douteuse? Car tu n'as nulle pitié des Troyens qui périssent. Mais si tu veux m'en croire, ceci sera pour le mieux. Arrêtons pour aujourd'hui la guerre et le combat. Tous lutteront ensuite jusqu'à la chute de Troie, puisqu'il vous plaît à vous, immortels, de renverser cette ville. » Et la déesse, aux yeux clairs, Athénée, lui répondit, « Qu'il en soit ainsi, ô archer. C'est dans ce même dessein que je suis venue de l'Olympos vers les Troyens et les Achaïens. Mais comment arrêteras-tu le combat des guerriers ?» Et le roi Apollon, fils de Zeus, lui répondit, « Excitons le solide courage de Hector, dompteur de chevaux, et qu'il provoque seul un des Danaïens à combattre un rude combat. Et les Achaïens, Octémides, des reins, exciteront un des leurs à combattre le divin Hector. » Il parla ainsi, et la divine Athénée, aux yeux clairs, consentit. Et Hélénos, le cher fils de Priamos, devina dans son esprit ce qu'il avait plu aux dieux de décider. Il s'approcha de Hector et lui parla ainsi. « Hector, Priamide, égal à Zeus en sagesse, voudras-tu m'en croire, moi qui suis ton frère? Fais que les Troyens et tous les Achaïens s'arrêtent, et provoque le plus brave des Achaïens à combattre contre toi un rude combat. Ta moire n'est point de mourir et de subir aujourd'hui ta destinée, car j'ai entendu la voix des dieux qui vivent toujours. » Il parla ainsi, et Hector s'en réjouit, et s'avançant en tête des Troyens, il arrêta leurs phalanges à l'aide de la pique qu'il tenait par le milieu, et tous s'arrêtèrent. Et Agamemnon contint aussi les Achaïens au bel Cnémide. Et Athénée et Apollon, qui portent l'arc d'argent, semblables à des vautours, s'assirent sous le hêtre élevé du père Zeus tempétueux, qui se réjouit des guerriers. Et les deux armées, par rangs épais, s'assirent, hérissées et brillantes de boucliers, de casques et de piques. Comme au souffle de Zéphyros, l'ombre se répand sur la mer qui devient toute noire, de même les rangs des Achaïens et des Troyens couvraient la plaine. Et Hector leur parla ainsi, « Écoutez-moi, Troyens et Achaïens, ô bel Cnémide, afin que je vous dise ce que mon cœur m'ordonne de dire. Le sublime Cronide n'a point scellé notre alliance, mais il songe à nous accabler tous de calamités, jusqu'à ce que vous preniez Troie aux fortes tours, ou que vous soyez domptés auprès des nefs qui fendent la mer. Puisque vous êtes les princes des Panachaïens, que celui d'entre vous que son courage poussera à combattre contre moi sorte des rangs et combatte le divin Hector. Je vous le dis, et que Zeus soit témoin. Si celui-là me tue de sa pique d'airain, me dépouillant de mes armes, il les emportera dans ses nefs creuses. Mais il renverra mon corps dans ma demeure, afin que les Troyens et les femmes des Troyens brûlent mon cadavre sur un bûcher. Et si je le tue, et qu'Apollon me donne cette gloire, j'emporterai ses armes dans la sainte Ilios, et je les suspendrai dans le temple de l'archer Apollon. Mais je renverrai son corps aux nefs solides, afin que les Achaïens chevelus l'ensevelissent. Et lui élèveront un tombeau sur le rivage du large Hellespontos. Et si quelqu'un d'entre les hommes futurs, naviguant sur la noire mer, dans sa nef solide, dira, voyant ce tombeau d'un guerrier mort depuis longtemps. Celui-ci fut tué autrefois par l'illustre Hector, dont le courage était grand. Il le dira, et ma gloire ne mourra jamais. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets, n'osant refuser ni accepter. Alors Ménélaos se leva et dit, plein de reproches et soupirant profondément, « Hélas, Achaïenne menaçante, et non plus Achaïen, certes, ceci nous sera un grand opprobre si aucun des Danaïens ne se lève contre Hector, et que la terre et l'eau vous manquent, à vous qui restez assis, sans courage et sans gloire. Moi, je m'armerai donc contre Hector, car la victoire enfin est entre les mains des dieux immortels. » Il parla ainsi, et il se couvrait de ses belles armes. Alors, Ménélaos, tu aurais trouvé la fin de ta vie sous les mains de Hector, car il était beaucoup plus fort que toi. Si les rois des Achaïens, s'étant levés, ne t'eussent retenu. Et l'Atréide Agamemnon, qui commande au loin, lui prit la main et lui dit, « Insensé Ménélaos, nourrisson de Zeus, d'où te vient cette démence? Contiens-toi malgré ta douleur. Cesse de vouloir combattre contre un meilleur guerrier que toi, le Priamide Hector, que tous redoutent. Achilleus, qui est beaucoup plus fort que toi dans la bataille qui illustre les guerriers, craint de le rencontrer. Reste donc assis dans les rangs de tes compagnons, et les Achaïens exciteront un autre combattant. Bien que le Priamide soit brave et insatiable de guerre, je pense qu'il se reposera volontiers s'il échappe à ce rude combat. » Il parla ainsi, et l'esprit du héros fut persuadé par les paroles sages de son frère, et lui obéit. Et ses serviteurs joyeux enlevèrent les armes de ses épaules, et Nestor se leva au milieu des Argiens et dit, « Ah, certes, un grand deuil envahit la terre à Cayenne. Et le vieux cavalier Péléus, excellent et sage agorète des Myrmidones, va gémir grandement. Lui qui, autrefois, m'interrogeant dans sa demeure, apprenait plein de joie quels étaient les pères et les fils de tous les Achaïens. Quand il saura que tous sont épouvantés par Hector, il étendra souvent les mains vers les immortels, afin que son âme, hors de son corps, descende dans la demeure d'Aïdès. Plût à vous, ô Zeus, Athénée et Apollon, que je fusse plein de jeunesse, comme au temps où, près du rapide qu'est la Dontès, les Pyliens combattaient les Arcadiens armés de piques, sous les murs de Phéia, où viennent les eaux courantes du Yardanos. Au milieu d'eux était le divin guerrier, Eurytalion, portant sur ses épaules les armes du roi Arithoos, du divin Arithoos, que les hommes et les femmes aux belles ceintures appelaient le porte-massue, parce qu'il ne combattait ni avec l'arc, ni avec la longue pique, mais qu'il rompait les rangs ennemis à l'aide d'une massue de fer. Lygorgos le tua par ruse et non par force, dans une route étroite où la massue de fer ne put écarter de lui la mort. Là, Lygorgos, le prévenant, le perça de sa pique dans le milieu du corps et le renversa sur la terre. Il le dépouilla des armes que lui avait données le rude Arès. Dès lors, Lycoorgos les porta dans la guerre. Mais, devenu vieux dans ses demeures, il les donna à son cher compagnon, Eurytalion, qui, étant ainsi armé, provoquait les plus braves. Et tous tremblaient, pleins de crainte, et nul n'osait. Et mon cœur hardi me poussa à combattre, confiant dans mes forces, bien que le plus jeune de tous. Et je combattis, et Athénée m'accorda la victoire. Et je tuai ce très robuste et très brave guerrier dont le grand corps couvrit un vaste espace. Plût au Dieu que je fusse ainsi plein de jeunesse et que mes forces fussent intactes. Hector, au casque mouvant, commencerait aussitôt le combat. Mais vous ne vous hâtez point de lutter contre Hector, vous qui êtes les plus braves des Panachaïens. » Et le vieillard leur fit ses reproches, et neuf d'entre eux se levèrent. Et le premier fut le roi des hommes, Agamemnon. Puis le brave Diomédès Tidéide se leva, et après eux se levèrent les Aias, revêtus d'une grande force, et Idoménéus, et le compagnon d'Idoménéus Mériones, semblable au tueur de guerriers Arès, et Eurypylos, l'illustre fils d'Evaïmon, et Thoas Andraïmonide, et le divin Odysseus. Tous voulaient combattre contre le divin Hector. Mais le cavalier gérénien Nestor dit au milieu d'eux, « Remuez maintenant tous les sorts, et celui qui sera choisi par le sort combattra pour tous les Achaïens au Belcnémide. Il se réjouira de son courage s'il échappe au rude combat et à la lutte dangereuse. » Il parla ainsi, et chacun marqua son signe, et tous furent mêlés dans le casque de l'Atréide Agamemnon. Et les peuples priaient, élevant les mains vers les dieux, et chacun disait, regardant le large Ouranos, « Père Zeus, fais sortir le signe d'Aias, ou du fils de Tédéus, ou du roi de la très riche Mykénée. » Ils parlèrent ainsi, et le cavalier gérénien Nestor agita le casque et en fit sortir le signe d'Aias, que tous désiraient. Un héros le prit, le présentant par la droite aux princes achaïens, et ceux qui ne le reconnaissaient point le refusaient. Mais quand il parvint à celui qui l'avait marqué et jeté dans le casque, à l'illustre Aias, celui-ci le reconnut aussitôt, et, le laissant tomber à ses pieds, il dit plein de joie, « Ô ami, ce signe est le mien, et je m'en réjouis dans mon cœur, et je pense que je dompterai le divin Hector. Allons, pendant que je revêtirai mes armes belliqueuses, suppliez tout bas, afin que les Troyens ne vous entendent point, le roi Zeus Cronion, ou priez-le tout haut, car nous ne craignons personne. Quel guerrier pourrait me dompter aisément à l'aide de sa force ou de ma faiblesse? Je suis né dans Salamis, et je n'y ai point été élevé sans gloire. » Il parla ainsi, et tous suppliaient le père Zeus Cronion, et chacun disait, regardant le vaste Ouranos, « Père Zeus, qui commande de l'Ida, très auguste, très grand, donne la victoire à Aias, et qu'il remporte une gloire brillante. Mais, si tu aimes Hector et le protèges, fais que le courage et la gloire des deux guerriers soient égaux. » Ils parlèrent ainsi, et Aias s'armait de l'airain éclatant. Et après qu'il eut couvert son corps de ses armes, il marcha en avant, pareil au monstrueux Arès que le Cronion envoie au milieu des guerriers, qu'il pousse à combattre, le cœur plein de fureur. Ainsi marchait le grand Aias, rempart des Achaïens, avec un sourire terrible, à grands pas et brandissant sa longue pique. Et les Argiens se réjouissaient en le regardant, et un tremblement saisit les membres des Troyens, et le cœur de Hector lui-même palpita dans sa poitrine. Mais il ne pouvait reculer dans la foule des siens, ni fuir le combat, puisqu'il l'avait demandé. Et Aias s'approcha, portant un bouclier fait d'airain et de 7 peaux de bœuf, et tel qu'une tour. Et l'excellent ouvrier Tychios, qui habitait Ilée, l'avait fabriqué à l'aide de 7 peaux de fort taureau, recouvertes d'une plaque d'airain. Et Aias Télamonien, portant ce bouclier devant sa poitrine, s'approcha de Hector et dit ces paroles menaçantes. « Maintenant, Hector, tu sauras, seul à seul, quels sont les chefs des Danaïens, sans compter Achilleus au cœur de lion, qui rompt les phalanges des guerriers. Il repose aujourd'hui sur le rivage de la mer, dans ses nefs aux poupes recourbées, irrité contre Agamemnon, le prince des peuples. Mais nous pouvons tous combattre contre toi. Commence donc le combat. » Et Hector, au casque mouvant, lui répondit, « Divin Aias Télamonien, prince des peuples, ne m'éprouve point comme si j'étais un faible enfant ou une femme qui ignore les travaux de la guerre. Je sais combattre et tuer les hommes, et mouvoir mon dur bouclier de la main droite ou de la main gauche. Il m'est permis de combattre audacieusement. Je sais, dans la rude bataille, de pied ferme marcher au son d'Arès, et me jeter dans la mêlée sur mes cavales rapides. Mais je ne veux point frapper un homme tel que toi par surprise, mais en face, si je puis. » Il parla ainsi, et lança sa longue pique vibrante, et frappa le grand bouclier d'Aias. Et la pique irrésistible pénétra à travers les 7 peaux de bœuf, jusqu'à la dernière lame d'airain. Et le divin Aias lança aussi sa longue pique, et il en frappa le bouclier égal du Priamide. Et la pique solide pénétra dans le bouclier éclatant, et perçant la cuirasse artistement faite, déchira la tunique sur le flanc. Mais le Priamide se courba et évita la noire caire. Et tous deux, relevant leurs piques, se ruèrent, semblables à des lions mangeurs de chair crue, ou à des sangliers dont la vigueur est grande. Et le Priamide frappa de sa pique le milieu du bouclier, mais il n'en perça point les reins, et la pointe s'y tordit. Et Aias, bondissant, frappa le bouclier qu'il traversa de sa pique, et il arrêta Hector qui se ruait. Il lui blessa la gorge, et un sang noir en jaillit. Mais Hector, au casque mouvant, ne cessa point de combattre. Et reculant, il prit de sa forte main une pierre grande, noire et rugueuse, qui gisait sur la plaine, il frappa le milieu du grand bouclier couvert de cette peau de bœuf, et l'airain résonna sourdement. Et Aias, soulevant à son tour une pierre plus grande encore, la lança en lui imprimant une force immense. Et de cette pierre, il brisa le bouclier, et les genoux du Priamide fléchirent, et il tomba à la renverse sous le bouclier. Mais Apollon le releva aussitôt. Et déjà, ils se seraient frappés tous deux de leurs épées en se ruant l'un contre l'autre, si les héros, messagers de Zeus et des hommes, n'étaient survenus, l'un du côté des Troyens, l'autre du côté des Achaïens cuirassés, Taltibios et Idaios, sages tous deux. Ils levèrent leur sceptre entre les deux guerriers, et Idaios, plein de conseils prudents, leur dit « Ne combattez pas plus longtemps, mes chers fils. Zeus qui amasse les nuées vous aime tous deux, et tous deux vous êtes très braves, comme nous le savons tous. Mais voici la nuit, et il est bon d'obéir à la nuit. » Et le Télamonien Aias lui répondit « Idaios ordonne à Hector de parler. C'est lui qui a provoqué au combat les plus braves d'entre nous. Qu'il décide, et j'obéirai, et je ferai ce qu'il fera. » Et le grand Hector au casque mouvant lui répondit « Aias, un dieu t'a donné la prudence, la force et la grandeur, et tu l'emportes par ta lance sur tous les Achaïens. Cessons pour aujourd'hui la lutte et le combat. Nous combattrons de nouveau plus tard, jusqu'à ce qu'un dieu en décide et donne à l'un de nous la victoire. Voici la nuit, et il est bon d'obéir à la nuit, afin que tu réjouisses auprès des nefs achaïennes tes concitoyens et tes compagnons, et que j'aille dans la grande ville du roi Priamos réjouir les Troyens et les Troyennes ornés de longues robes, qui prieront pour moi dans les temples divins. Mais faisons-nous de mutuels et illustres dons, afin que les Achaïens et les Troyens disent « Ils ont combattu pour la discorde qui brûle le cœur, et voici qu'ils se sont séparés avec amitié. » Ayant ainsi parlé, il offrit à Aias l'épée au clou d'argent, avec la gaine et les courroies artistement travaillées. Et Aias lui donna un ceinturon éclatant, couleur de pourpre. Ils se retirèrent, l'un vers l'armée des Achaïens, l'autre vers les Troyens. Et ceux-ci se réjouirent en foule, quand ils virent Hector vivant et sauf, échappé des mains invaincues et de la force d'Aias. Et ils l'emmenèrent vers la ville, après avoir désespéré de son salut. Et de leur côté, les Achaïens bien armés conduisirent au divin Agamemnon Aias joyeux de sa victoire. Et quand ils furent arrivés aux tentes de l'Atréide, le roi des hommes Agamemnon sacrifia au puissant Cronion un taureau de 5 ans. Après l'avoir écorché, disposé et coupé adroitement en morceaux, ils percèrent ceux-ci de broches, les firent rôtir avec soin et les retirèrent du feu. Puis ils préparèrent le repas et se mirent à manger. Et aucun ne put se plaindre, en son âme, de manquer d'une part égale. Mais le héros Atréide Agamemnon, qui commande au loin, honora Aias du dos entier, et, tous ayant bu et mangé selon leur soif et leur faim, le vieillard Nestor ouvrit le premier le conseil et parla ainsi plein de prudence. « Atréide, et vous, chef des Achaïens, beaucoup d'Achaïens chevelus sont morts, dont le rude Arès a répandu le sang noir sur les bords du clair Scamandros, et dont les âmes sont descendues chez Aïdès. C'est pourquoi il faut suspendre le combat dès la lueur du matin. Puis, nous étant réunis, nous enlèverons les cadavres à l'aide de nos bœufs et de nos mulets, et nous les brûlerons devant les nefs, afin que chacun en rapporte les cendres à ses fils, quand tous seront de retour dans la terre de la patrie. Et nous leur élèverons, autour d'un seul bûcher, un même tombeau dans la plaine. Et tout auprès, nous construirons aussitôt de hautes tours qui nous protégeront, nous et nos nefs. Et nous y mettrons des portes solides pour le passage des cavaliers. Et nous creuserons en dehors un fossé profond qui arrêtera les cavaliers et les chevaux, si les braves Troyens poussent le combat jusque-là. » Il parla ainsi, et tous les rois l'approuvèrent. Et l'agora tumultueuse et troublée des Troyens s'était réunie devant les portes de Priamos, sous la haute citadelle d'Ilios. Et le sage Anténor parla ainsi le premier. « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne. Allons, rendons aux Atréides l'Argienne et l'Aînée et toutes ses richesses, et qu'ils les emmènent. Nous combattons maintenant contre les serments sacrés que nous avons jurés, et je n'espère rien de bon pour nous, si vous ne faites ce que je dis. Ayant ainsi parlé, il s'assit. Et alors se leva du milieu de tous le divin Alexandros, l'époux de Hélénée à la belle chevelure. Il répondit en paroles ailées, « Anténor, ce que tu as dit ne m'est point agréable. Tu aurais pu concevoir de meilleurs desseins, et si tu as parlé sérieusement, certes les dieux t'ont ravi l'esprit. Mais je parle devant les Troyens, dompteurs de chevaux, et je repousse ce que tu as dit. Je ne rendrai point cette femme. Pour les richesses que j'ai emportées d'Argos dans ma demeure, je veux les rendre toutes, et j'y ajouterai des miennes. » Ayant ainsi parlé, il s'assit, et, au milieu de tous, se leva le Dardanide Priamos, semblable à un dieu par sa prudence. Et, plein de sagesse, il parla ainsi et dit, « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés, afin que je dise ce que mon cœur m'ordonne. Maintenant, prenez votre repas comme d'habitude et faites tour à tour bonne garde, que dès le matin Idaios se rende aux nefs creuses, afin de porter aux Atréides, Agamemnon et Manaléos, l'offre d'Alexandros, d'où viennent nos discordes, et qu'il leur demande par de sages paroles s'ils veulent suspendre la triste guerre jusqu'à ce que nous ayons brûlé les cadavres. Nous combattrons ensuite de nouveau en attendant que le sort décide entre nous et donne la victoire à l'un des deux peuples. » Il parla ainsi, et ceux qui l'écoutaient obéirent, et l'armée prit son repas comme d'habitude. Dès le matin, Idaios se rendit aux nefs creuses. Il trouva les Danaïens, nourrissons de Zeus, réunis dans l'agora, auprès de la poupe de la nef d'Agamemnon. Et, se tenant au milieu d'eux, il parla ainsi. « Atréides et Achaïens au Belcnémide, Priamos et les illustres Troyens m'ordonnent de vous porter l'offre d'Alexandros, d'où viennent nos discordes, si toutefois elle vous est agréable. Toutes les richesses qu'Alexandros a rapportées dans Ilios sur ses nefs creuses, plutôt Dieu qu'il fût mort auparavant, il veut les rendre et y ajouter des siennes. Mais il refuse de rendre la jeune épouse de l'illustre Ménélaos, malgré les supplications des Troyens. Ils m'ont aussi ordonné de vous demander si vous voulez suspendre la triste guerre jusqu'à ce que nous ayons brûlé les cadavres. Nous combattrons ensuite de nouveau, en attendant que le sort décide entre nous et donne la victoire à l'un des deux peuples. » Il parla ainsi, et tous restèrent muets. Et Diomédès, hardi au combat, parla ainsi, « Qu'aucun de nous n'accepte les richesses d'Alexandros, ni Hélénée elle-même. Il est manifeste pour tous, fût-ce pour un enfant, que le suprême désastre est suspendu sur la tête des Troyens. » Il parla ainsi, et tous les fils des Achaïens poussèrent des acclamations, admirant les paroles du dompteur de chevaux Diomédès. Et le roi Agamemnon dit à Idaios, « Idaios, tu as entendu la réponse des Achaïens. Ils t'ont répondu, et ce qu'ils disent me plaît. Cependant, je ne vous refuse point de brûler vos morts et d'honorer par le feu les cadavres de ceux qui ont succombé. Que l'époux de Héré, Zeus, qui tonne dans les hauteurs, soit témoin de notre traité. » Ayant ainsi parlé, il éleva son sceptre vers tous les dieux, et Idaios retourna dans la sainte Ilios, où les Troyens et les Dardaniens étaient réunis en agora, attendant son retour. Il arriva, et au milieu d'eux, il rendit compte de son message. Et aussitôt, ils s'empressèrent de transporter, ceux-ci les cadavres, ceux-là le bois du bûcher. Et les Argiens, de leur côté, s'exhortaient, loin des nefs creuses, à relever leurs morts et à construire le bûcher. Hélios, à son lever, frappait les campagnes de ses rayons, et, montant dans l'Ouranos, sortait doucement du cours profond de l'Océanos. Et les deux armées accouraient l'une vers l'autre. Alors, il leur fut difficile de reconnaître leurs guerriers. Mais, quand ils eurent lavé leur poussière sanglante, ils les déposèrent sur les chars en répandant des larmes brûlantes. Et le grand Priamos ne leur permit point de gémir, et ils amassèrent les morts sur le bûcher, se lamentant dans leur cœur. Et, après les avoir brûlés, ils retournèrent vers la sainte Ilios. De leur côté, les Achaïens au Belcnémide amassèrent les cadavres sur le bûcher, tristes dans leur cœur. Et, après les avoir brûlés, ils s'en retournèrent vers les nefs creuses. Eos n'était point levé encore, et déjà la nuit était douteuse, quand un peuple des Achaïens vint élever dans la plaine un seul tombeau sur l'unique bûcher. Et non loin, d'autres guerriers construisirent, pour se protéger eux-mêmes et les nefs, de hautes tours, avec des portes solides pour le passage des cavaliers. Ils creusèrent, au dehors et tout autour, un fossé profond, large et grand, qu'ils défendirent avec des pieux. Et c'est ainsi que travaillaient les Achaïens chevelus. Et les dieux, assis auprès du foudroyant Zeus, regardaient avec admiration ce grand travail des Achaïens aux tuniques d'airain. Et au milieu d'eux, Posidaon, qui ébranle la terre, parla ainsi. « Père Zeus, qui donc parmi les mortels qui vivent sur la terre immense fera connaître désormais aux immortels sa pensée et ses desseins ? Ne vois-tu pas que les Achaïens chevelus ont construit une muraille devant leur nef, avec un fossé tout autour, et qu'ils n'ont point offert d'illustres hécatombes aux dieux ? La gloire de ceux-ci se répandra autant que la lumière d'Eos, et les murs que Phoïbos, Apollon et moi avons élevés aux héros Laomédon seront oubliés. » Et Zeus, qui amasse les nuées, avec un profond soupir, lui répondit « Ah, très puissant qui ébranle la terre, qu'as-tu dit ? Un dieu, moins doué de force que toi, n'aurait point cette crainte. Certes, ta gloire se répandra aussi loin que la lumière d'Eos. Reprends courage, et quand les Achaïens chevelus auront regagné sur leur nef la terre bien-aimée de la patrie, engloutis tout entier dans la mer ce mur écroulé. Couvre de nouveau de sable le vaste rivage, et que cette immense muraille des Achaïens s'évanouisse devant toi. » Et ils s'entretenaient ainsi. Et Ilios se coucha, et le travail des Achaïens fut terminé. Et ceux-ci tuaient des bœufs sous les tentes, et ils prenaient leur repas. Et plusieurs nefs avaient apporté de Lemnos le vin qu'avait envoyé le Iasonide, Eneos, que Hypsipyle avait conçu du prince des peuples, Iason. Et le Iasonide avait donné aux Atréides 1000 mesures de vin. Et les Achaïens chevelus leur achetaient ce vin, ceux-ci avec de l'airain, ceux-là avec du fer brillant, les uns avec des peaux de bœufs, les autres avec les bœufs eux-mêmes, et d'autres avec leurs esclaves. Et tous enfin préparaient l'excellent repas. Et pendant toute la nuit, les Achaïens chevelus mangeaient, et les Troyens aussi, et les alliés mangeaient dans la ville. Et au milieu de la nuit, le sage Zeus, leur préparant de nouvelles calamités, tonna terriblement. Et la pâle crainte les saisit. Il répandait le vin hors des coupes, et aucun n'osa boire avant de faire des libations aux très puissants Cronions. Enfin, s'étant couchés, ils goûtèrent la douceur du sommeil.